suis en paix avec le monde et je caresse l'illusion que tout va bien et que le monde est aussi en paix avec moi. Un oiseau chante, moi je chante avec l'oiseau. L'oiseau s'envole, je m'envole avec l'oiseau. L'oiseau s'éloigne, je m'éloigne avec l'oiseau. Vers les étoiles, plus haut, toujours plus haut. Le soleil brille, je brille avec le soleil. Le soleil brûle, je brûle avec le soleil. Le soleil monte, je monte avec le soleil. Et je m'enfonce toujours plus loin dans le ciel. Avec le vent et je m'éclipse hors des limites du temps. Je suis en paix avec le monde et je caresse l'illusion que tout va bien et que le monde est aussi en paix avec moi.